Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89,1. La nouvelle année est maintenant bien en place et avec cette nouvelle année, il nous arrive des nouvelles voix à Futur Simple. Donc j'ai à côté de moi Karine Gravel. Bonjour Karine. Bonjour Valérie. Karine, tu es étudiante au doctorat, je crois, mais peux-tu nous en dire un petit peu plus, nous préciser, nous faire quelques précisions? Oui, en fait, je suis nutritionniste à la clinique Nutrition Santé à l'Université Laval, mais j'occupe la majeure partie de mon temps à faire mon doctorat qui porte sur les aspects psychologiques et comportementaux de la nutrition. D'accord, et je crois que ça a orienté un petit peu ton créneau pour les chroniques que tu veux nous offrir à Futur Simple. Oui, exactement. D'accord. Et donc, justement, comme on le disait avec ce début d'année, certains prennent des résolutions, dont celle de perdre du poids. Et puis, il faut dire que l'industrie de l'amaigrissement ne manque pas de nous solliciter à coups de publicité sur le web, la télévision, les journaux, et même dans les cliniques d'esthétique. Ça, c'est quand même fort. Mais en fait, ces diètes amaigrissantes, miraculeuses, est-ce que c'est scientifiquement démontré qu'elles vont nous faire maigrir? Bien, en fait, ce qu'on sait, c'est que les diètes amaigrissantes, elles amènent une perte de poids qui est à court terme, hein, parce que peu importe la diète qui est suivie, environ 85 à 95 % des personnes qui perdent du poids volontairement le reprennent, et même parfois plus à l'intérieur des 5 années qui suivent la fin de la diète. Et malheureusement, lorsqu'il y a une perte de poids, les gens attribuent le succès à la méthode. Et quand ces mêmes personnes-là reprennent le poids perdu, elles s'attribuent elles-mêmes l'échec. Et cette façon de voir les choses peut affecter l'estime de soi, surtout après plusieurs tentatives de perte de poids. Donc, on sait qu'en réalité, la reprise du poids, ce n'est pas un problème qui est lié à la personne, mais l'échec est plutôt attribuable à la méthode qui est utilisée pour maigrir exactement. Ouais. Et comme la norme actuelle est la minceur et que le désir de maigrir est très présent dans la société, l'inefficacité des diètes amaigrissantes à long terme ne semble malheureusement pas être un argument suffisant pour décourager les gens. C'est vrai. Mais comment les fabricants de ces produits amaigrissants s'y prennent pour attirer les consommateurs? Qu'est-ce qu'ils utilisent comme incitatif? Entre autres, ils vont mettre de l'avant la rapidité d'action de leurs produits. Ils peuvent aussi utiliser des arguments promotionnels comme sans effort, perte de poids garantie ou brûleur de graisse. Alors qu'on sait que dans la réalité, perdre du poids, ça nécessite du temps et des efforts. Aucune méthode ne peut garantir la perte de poids et aucun aliment n'est scientifiquement reconnu pour avoir la propriété de brûler les graisses. Ouais, je pense que ça vaut le coup d'appuyer sur cet élément-là. Oui. Et puis, les emballages des produits amaigrissants peuvent aussi contenir le mot « naturel ». Mais en réalité, ce qui est naturel, ce n'est pas nécessairement inoffensif. Si on y pense bien, le tabac est une plante naturelle et l'arsenic aussi, qui est un poison toxique qui est naturellement présent dans l'environnement. Donc, on peut avoir un faux sentiment de sécurité parce que le produit est dit « naturel ». Un autre incitatif aussi sur les emballages des produits, toujours, on peut souvent lire « éprouvé en clinique ». Mais le type d'étude à laquelle on fait référence dans cette allégation-là comporte souvent des biais méthodologiques importants. Par exemple, l'étude est menée par le fabricant lui-même, donc il peut y avoir présence d'un conflit d'intérêts. Le nombre de participants de recherche est souvent limité et la durée de l'étude est parfois trop brève. Donc, c'est peut-être pas assez rigoureux pour que vraiment les conclusions soient à prendre intégralement. Exactement. Ouais. Ouais. Et dans ces diètes, l'industrie tente de nous faire croire que perdre du poids est une question de volonté, finalement, que bon, on n'a qu'à vouloir et puis avec ces produits-là, on va réussir. Mais est-ce qu'il n'y a quand même pas d'autres facteurs derrière la prise de poids? Oui, en fait, il y a plusieurs éléments là, qui vont déterminer le poids d'une personne et c'est beaucoup plus complexe et même multifactoriel qu'une simple question de volonté. Je vais vous nommer quelques éléments. Par exemple, la génétique. On a le métabolisme de base aussi, qui est la quantité d'énergie que le corps va dépenser pour maintenir le fonctionnement des cellules au repos. On a l'âge et le vieillissement aussi. Donc, quand on vieillit, la composition corporelle change. Donc, la masse maigre va avoir tendance à diminuer et la masse grasse va avoir tendance à augmenter. On a les facteurs hormonaux comme la ménopause, l'évolution des habitudes alimentaires. Donc, on mange différemment à 20 ans, 40 ans, 60 ans. Donc, nos goûts évoluent puis les envies pour certains aliments aussi. Le niveau de stress, on a l'histoire pondérale aussi, comme le fait d'avoir suivi beaucoup de diètes, d'avoir fait varier son poids, oui. Et finalement, un autre facteur, la prise de médicaments. On sait que certains médicaments peuvent avoir des effets secondaires sur le poids. Et tu disais tout à l'heure que ces diètes permettaient quand même de perdre du poids, à court terme, même si après c'est repris plus tard. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas des conséquences physiologiques ou voire même psychologiques à cette perte de poids? Oui. En fait, ce qui est démontré, c'est que selon le type, la durée de la diète et aussi le nombre de tentatives effectuées, les conséquences sont variées. variables, mais généralement, il faut retenir qu'elles sont néfastes. Donc, au niveau de la santé physiologique, en privant son corps de nourriture, bien, on s'expose à différents risques pour la santé, comme des carences en vitamines et minéraux, puis aussi, évidemment, en énergie, ouais. mais aussi à des effets secondaires, comme la déshydratation, des maux de tête, la fatigue, la difficulté à se concentrer, des étourdissements et aussi des troubles digestifs. Et au niveau de la santé psychologique, bien, on en parle moins souvent, mais les conséquences là, sont tout aussi néfastes. Donc, le fait de se priver de manger, malgré le fait qu'on ressent la faim, peut mener à développer une relation malsaine avec la nourriture, notamment en raison des aliments qu'on s'interdit de manger. Mm-hmm. On peut aussi être amené à catégoriser les aliments comme étant bons ou mauvais pour la santé. Et dans certains cas, bien, la nourriture devient une préoccupation excessive et peut prendre la forme d'une obsession. Par exemple, ça peut créer la peur de reprendre le poids perdu, accroître les états dépressifs et aussi favoriser une forme d'isolement social. Ah ben oui, c'est vrai. Ouais. Et bon, l'industrie de l'amaigrissement, c'est quand même assez lucratif, je pense. Il y en a beaucoup qui proposent toutes sortes de produits. Ouais. Donc, le choix des diètes de produits amaigrissants est assez vaste. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de ce qui existe? Oui, ben en fait, à chaque décennie, on a des diètes à la mode. Il y en a plusieurs. J'en ai choisi quelques-unes. Donc, par exemple, au début des années 70, on a eu la diète Atkins, dont le livre de Dr. Atkins, Diet Revolution, a été vendu à 15 millions d'exemplaires. Donc, c'est une diète qui est riche en protéines et limitée en glucides. Je ne m'attendrai pas beaucoup sur la diète, mais il faut savoir que le Dr. Atkins est décédé en 2003 et, ironiquement, son indice de masse corporelle était de 37. C'est quand même beaucoup. Oui, bien, ça équivaut à une obésité de classe 2. Et à cette classe d'obésité, bien, le risque de souffrir de problèmes de santé, comme les maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle ou l'asthme, est très élevé. Mais l'histoire ne dit pas s'il observait ses propres conseils nutritionnels. Oui, en tout cas, aussi, s'il les suivait, ce n'était pas efficace. Non. Un autre exemple est la diète basée sur les groupes sanguins du naturopathe Peter D'Adamo au milieu des années 90. Donc, dans ce type de diète-là, on doit manger seulement des aliments qui conviennent à notre groupe sanguin. Donc, par exemple, seulement les personnes qui possèdent un groupe sanguin B peuvent manger des oranges et seules les personnes du groupe sanguin A peuvent manger du maïs et ainsi de suite. Mm-hmm. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est que les hypothèses de cette diète-là, très populaire, ne reposent sur aucune étude clinique contrôlée et aucun article scientifique non plus n'a été publié sur le sujet. Donc, on peut conclure qu'il s'agit de croyances. Oui. Mm-hmm. Un dernier exemple que je vais vous donner aujourd'hui et dont je vais m'attarder un peu plus, c'est le jeûne protéiné, qui est une diète où les glucides et les lipides sont pratiquement absents. Ouais. Donc, on sait qu'habituellement, les glucides et les lipides comblent environ 85 % de nos besoins en énergie. Alors, la perte de poids est donc très rapide avec cette diète-là, donc de l'ordre de 3 à 7 livres par semaine. Par semaine? Oui. Donc, il y en a un effet énorme. Presque tout de suite. Là. Oui, oui, on fond, comme on dit. Ouais. Donc, le jeûne protéiné a été mis au point au début des années 70 à l'université Harvard. Et à l'origine, c'était pour établir les besoins en protéines de l'organisme tout en préservant la masse musculaire durant un jeûne. Mais par la suite, ces données-là ont été utilisées par des médecins dans leur pratique quotidienne, principalement pour le traitement de l'obésité. Et selon la ITMIS, qui est l'Agence d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé qui a revu là, la littérature sur le sujet, le jeûne protéiné ne devrait être utilisé qu'en dernier recours lorsque le surpoids d'une personne met sa vie en danger à court terme. Donc, la raison est que le risque d'effets secondaires est très élevé. Donc, en plus des conséquences là, que j'ai nommées plus tôt, s'ajoutent des chutes de tension artérielle et de l'arythmie cardiaque. Et d'ailleurs, au cours des années 70, il y a eu environ 50 décès là, qui ont été attribué à cette diète-là en raison des protéines qui étaient incomplètes. Donc, on a réussi à vraiment dire que c'était à cause de la diète. Exactement. Okay. Donc, d'autres études ont aussi été menées chez des animaux et ont montré des carences nutritionnelles comme aussi des problèmes cardiaques et hépatiques, là, comme des calculs biliaires. Et toujours selon cette même agence, la ITMIS, dans 90 à 95 % des cas, le poids perdu va être repris au cours des 18 mois suivant l'arrêt de la diète. Donc, la reprise est encore plus rapide puisque la perte a été très rapide. Et ce qui est inquiétant avec cette diète-là, c'est qu'elle est vraiment facile à trouver, autant dans certaines cliniques médicales, d'amaigrissement ou d'esthétique, que sur Internet où il n'y a pas de supervision médicale ou de suivi par c'est une équipe multidisciplinaire. Ouais, c'est vrai. Oui, malgré tous les dangers. Ouais. Et finalement, ben, ce qu'on n'entend pas parler souvent non plus, ce sont les coûts. Donc, pour les sachets de protéines et les repas déshydratés, ça se chiffre environ à 20 entre entre 20 à 28 $ par jour. Alors, si on fait le calcul, ça équivaut à 600 à 800 $, 840 $ par mois. C'est quand même un bon petit prix. Oui, oui. Et évidemment, bon, on va penser qu'il n'y a pas d'épicerie à faire, mais c'est certain que le plaisir de manger est complètement absent de cette vie. Et au niveau sensoriel, ben, il n'y a absolument rien de satisfaisant. Et puis, socialement, ben, on ne peut plus manger au restaurant ou à l'extérieur de chez soi. Donc, ça fait que la diète est difficile à suivre à long terme. Oui, effectivement. Mm-hmm. Non, je pense que ce n'est pas pour moi. J'aime trop manger. Moi aussi. Qu'est-ce que l'on doit retenir de ces données à propos des diètes amaigrissantes? Mm-hmm. Mais il y a beaucoup de choses, en fait. Si on veut résumer, c'est important de se rappeler que l'industrie de l'amaigrissement, c'est la seule industrie qui vit de ses échecs, si on y pense bien. Oui, c'est assez paradoxal, hein, d'ailleurs. Hein? Mm-hmm. Donc, les Nord-Américains dépensent des milliards de dollars à chaque année au profit de cette industrie-là dans l'espoir de maigrir. Et évidemment, c'est paradoxal, tout à fait, puisque vouloir maigrir, ben, ça semble faire engraisser. Donc, l'industrie de l'amaigrissement, elle mène au cycle des diètes à répétition et malheureusement, ben, c'est perçu comme un échec de la part de la personne ou un manque de persévérance. Alors, il faut retenir qu'il n'y a pas de miracle. Pour maintenir une bonne santé, ben, on a avantage à mettre nos énergies sur nos comportements et nos habitudes alimentaires si on veut obtenir des effets qui sont bénéfiques à long terme. Oui, ben, à ce moment-là, on revient quand même sur une question de volonté parce que l'histoire de comportement puis d'habitudes alimentaires, ça dépend de nous. Oui, ça, on peut décider. Ben, merci beaucoup, Karine. Ben, merci beaucoup, Valérie. C'était fort enrichissant. Mais maintenant, on va passer à une pause publicitaire et il ne devrait pas y avoir de publicité sur des produits amaigrissants. En tout cas, on va voir. Et vous écoutez toujours Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89,1.